Merci de m'inviter à présenter au Maharamout France. Je vais essayer de présenter en français, mais s'il y a quelqu'un qui préfère la présentation en anglais, dites-le moi, s'il vous plaît. Comme Dajan déjà dit, je suis Christina Hoepner et je travaille chez Catalyst IT en Nouvelle-Zélande. Chez Catalyst, je travaille avec les développeurs de Mahara et Moodle, et nous sommes l'entreprise principale pour le développement de Mahara et un partenaire de Moodle. Vous nous trouvez dans des forums Mahara, en particulièrement, où nous répondons aux questions. Je suis responsable pour le manuel des utilisateurs en anglais, entre autres, mais il est Dominique Alain qui est en train de faire la traduction en français pour vous. Je pense pour l'instant, ça suffit de moi. Avant, je commencerai avec ma présentation. J'ai quelques questions pour vous. Je voudrais savoir qui de vous déjà connaissait le logiciel de portfolio Mahara. Ah, oh, merci, très bien. Quelques personnes déjà. Et combien de gens est-ce que vous avez déjà utilisé Mahara? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec 50 ans d'expérience? 4 ans? 300? Ah, merci! 200? 1 an? Ah, très très bien! Ah, une autre question. Qui lit des forums au sud de Mahara? Ah, 1, 2... Oh, très bien! Et la dernière question, qui a déjà posé des questions dans les forums? Oh, très bien, merci beaucoup. Ok, mais maintenant, commençons avec la présentation. Il y a aussi le temps offert pour des questions. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le mettre à l'écran. J'espère que vous pouvez voir la présentation maintenant. Le photo là, ce n'est pas un métal précieux, mais c'est du sable vu sous une loupe. Et comme ce sable, Mahara vous offre bien plus qu'un simple portfolio électronique individuel. En regardant Mahara, on trouve des fonctions pour créer un portfolio. On peut tenir un journal ou des journaux, télécharger des fiches, établir son profil et créer des pages de portfolio. Mais on aussi peut faire plus. On peut collaborer avec d'autres personnes qui utilisent Mahara dans des groupes et aussi aux pages. On peut créer des groupes pour discuter de différentes choses. Par exemple, on peut avoir un groupe professionnel pour débattre autour des différentes méthodes d'utilisation de portfolios, des technologies nouvelles et de donner du feedback. On peut aussi établir des groupes pour s'amuser et partager des blagues avec des amis. Les groupes sont très utiles pour collaborer sur des projets. On peut utiliser les forums pour discuter les aspects du projet. On peut mettre des fiches en ligne qu'on peut partager avec d'autres personnes du projet et on peut créer des pages collaboratives. Dans un groupe, on peut discuter les mêmes idées dans un forum ouvert, par exemple, et inviter des spécialistes. Mais on peut utiliser les groupes aussi pour le soutien à l'utilisation et la communication en général afin d'aider les utilisateurs de portfolio dans leur parcours de découverte et de réflexion et pour répondre à leurs questions. J'aime utiliser les groupes pour le soutien et la communication avec les utilisateurs d'une installation de Mahara parce qu'on ne communique pas seulement avec une personne mais avec un plus grand nombre. Par exemple, je n'utilise pas un groupe pour le soutien, je reçois la question d'une personne et je réponds à la question de cette personne seulement. Mais autres personnes qui peuvent avoir la même question ne peuvent pas bénéficier de la réponse. D. Quand on établit un groupe avec des forums soutien, non seulement la même personne peut poser des questions, mais aussi plusieurs personnes peuvent y répondre. Ainsi, plusieurs peuvent bénéficier de la réponse. On utilise un groupe de soutien, par exemple, au myportfolio.school.nz, où il y a plus de 1200 écoles de Nouvelle-Zélande. Le groupe était établi en février 2011 et il y a des forums feedback où les utilisateurs peuvent nous signaler des erreurs et leurs idées pour des nouvelles fonctions et où les utilisateurs peuvent poser des questions techniques, mais aussi pédagogiques et autres utilisateurs peuvent répondre. Mais on peut faire plus aussi. Maintenant que vous avez un système de portfolio électronique, vous pouvez inclure des commentaires d'autres personnes dans votre portfolio. C'était plus difficile de faire ça avec un portfolio de papier parce qu'il n'y avait pas de moyen facile de capturer des informations orales et écrites. Toutefois, dans le portfolio numérique, les commentaires peuvent facilement faire partie de votre portfolio. Tous les commentaires sont attachés soit à la page de portfolio, soit à l'artefact et deviennent des artefacts permanents. Vous pouvez écrire votre feedback, mais aussi enregistrer des commentaires parlés ou même mettre des commentaires vidéo en place si vous préférez. En utilisant les fonctionnalités de collaboration et de partage de Mahara, vous pouvez faire beaucoup plus que simplement entretenir votre portfolio. Vous engagez en dialogue avec d'autres personnes. Vous apprenez d'eux et ils peuvent apprendre de vous. Vous pouvez aussi aller au-delà du site Mahara de votre université ou de votre école et vous pouvez engager le dialogue avec des utilisateurs de Mahara de partout du monde, apprendre comment ils utilisent Mahara et explorer des idées qui marchent pour d'autres institutions. Après vous avez exploré d'autres sites Mahara, un bon point de départ pour en savoir plus au sujet de Mahara est la communauté à mahara.org. Là, vous trouvez des forums de soutien, un forum pour les développeurs de logiciels, un wiki, le bulletin trimestriel, notre outil de suivi de bac, pour signaler des erreurs et des réponses à de nombreuses questions, par exemple. Un très bon groupe à rejoindre pour les utilisateurs, en particulier ceux qui veulent discuter l'utilisation de Mahara dans une institution, est le groupe d'utilisateurs de Mahara, MAG. Il y a un groupe de discussion sur mahara.org et aussi un groupe Facebook. Les membres de MAG se rencontrent en ligne quelques fois par an, et aussi une fois par an à une petite conférence à New York. Il y a aussi d'autres groupes d'utilisateurs Mahara, par exemple en Allemagne. N'importe qui peut commencer un MAC et inviter d'autres utilisateurs pour des discussions. En utilisant Mahara, vous n'êtes pas seul à entretenir un portfolio électronique parce que vous pouvez toujours échanger des idées avec d'autres utilisateurs, partagez vos réflexions avec ceux et recevoir des commentaires. Vous pouvez également collaborer sur des projets et recevoir le soutien des personnes de partout du monde. Si vous n'avez pas encore exploré des possibilités, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui?